Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça va bien bien ou bien ? Ben, plutôt bien. En tout cas, mieux qu'une motion socialiste paumée en rase champagne ou qu'un De Villepin coursé par le glaive. Mais bon, dites-nous plutôt, quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Eh bien, pour ce dossier Epsilon numéro 12, professeur Colin, nous recevons l'icône de la République. Christine Boutin ? Mais non, j'ai dit icône de la République, soyez attentifs, je vous la fais en trois briques. Buste. Buste, robuste, robusta, El Gringo, Jacques Vabre. On reçoit Jacques Vabre, oh là ? C'est bizarre quand même, non ? Alors vous êtes de plus en plus frappés, vous, hein. Écoutez bien, deuxième brique, bonnet rouge. Bonnet rouge. Le commandant Cousteau ? Oh non, c'est chiant. Mais non, c'est pas chiant. Mais c'est pas ça. Dernière brique, concentrez-vous, phrygien. Ah, Marianne. Enfin un psychisme allégorique. Il était temps, mon vieux. Allez, allons-y, professeur Mauduit. Étudions le dossier de cette bombasse de la République. Maniez-vous le train, les ci-devant. Apportez au labo le dossier de Madame Manchot. Allez, Marianne, à table. Fais-toi confiance, Marianne. Depuis le début, toutes les réponses sont en toi. Eh ben, je les trouve pas. Tu sais bien que j'ai cherché, Philippe. J'ai creusé, j'ai essayé d'y voir plus clair. Et crois-moi que ça m'a fait mal. Ça fait toujours mal, quand on creuse. Eh oui, quand on creuse, ça fait toujours mal, Marianne. Mais bon, ce matin, vous êtes là pour ça, cocotte. D'ailleurs, sachez que le ministère psychique est très curieux de découvrir l'architecture mentale qui se planque derrière votre stoïcisme en albâtre. Un nouveau dossier réellement passionnant, n'est-ce pas, professeur Mauduit ? Attends, mais c'est un dossier énorme, tu veux dire. Psychanalyser des personnes qui n'ont jamais existé, mais franchement, qui dit mieux ? Enfin bon, plus précisément, professeur Colin, qu'est-ce qui nous turlupine chez cette grosse allégorie ? Eh bien, c'est essentiellement ce syndrome de bipolarité entre l'image d'une Marianne sage et austère et celle d'une Marianne délurée et révolutionnaire. Une vieille querelle. L'image que l'on se fait aujourd'hui de Marianne ne date que de 1878. Quand il était président de la République, Thiers avait un faible contre Marianne. Il l'accusait de se mettre volontiers dans son plus simple appareil, de se montrer à la fenêtre et de faire valoir ses charmes à l'envers. Il disait surtout pas de Marianne. Ouais, le joyeux monsieur Thiers en question écrasa tout de même les communards à Paris, hein. Alors forcément, Marianne, le bonnet phrygien et la populace, c'était pas vraiment son truc à pépère. Un bon vieux réac, quoi. Mais revenons justement à notre mission, puisque nous allons établir ensemble ce matin un diagnostic non négociable afin de savoir enfin si oui ou non les méandres psychologiques de notre Marianne bipolaire recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son mon ami et sois le bienvenu. C'est la panique et redécouvrons immédiatement le blues frénétique de cette fratrie déglinguée pensionnaire du ministère psychique. Yeah. militant socialiste cherche désespérément quelqu'un à aimer. Ça va mal, parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie. C'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures, dont les facultés de divination la gênaient. Avant tout, le ministère psychique remercie le vénérable professeur Alain Cuny pour son éclairage introductif et sans langue de bois au cas psychique qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir celui de l'allégorique Marianne. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans l'existence tumultueuse de la douce Marianne tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychotiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale de l'incarnation de la République française ? Eh bien, si nous prenons pour principe de base, petit 1, que la République est personnifiée par une femme coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de la liberté, et si nous nous rappelons, petit 2, que la Première République fut proclamée pendant la Révolution française, il faut donc considérer que Marianne est née en septembre 1792, quand le peuple français, patriote et enthousiaste, a cherché à incarner le nouveau régime avec une grande histoire d'amour. Nous n'arriverons pas à écraser ce que nous avons apporté au monde. Vois-tu, avant nous, les peuples étaient en face de la liberté, comme un amoureux devant une femme à qui il aurait été interdit même d'adresser la parole. Et brusquement, grâce à nous, voilà que notre homme peut enfin tenir sa bien-aimée dans ses bras. Et bien sûr, elle n'est pas encore sa maîtresse. Il devra se donner du mal pour terminer sa conquête. Mais maintenant qu'ils se connaissent, même si on les sépare, un jour ou l'autre, ils se retrouveront. Oui, d'accord. Marianne allégorie et elle est jolie. Entame en 1792 sa grande histoire d'amour avec le peuple français. Pourtant, comme dans toutes les love stories, les relations sont tumultueuses et pas toujours au beau fixe, surtout quand la révolution se fait tueuse. Alors, dans les chaos de la convention, du directoire et du consulat, Marianne connaît plusieurs amants, parfois des doux, parfois des lâches, parfois des brutes, mais toujours des amants passionnés. Du coup, Marianne est épuisée quand arrive le général Bonaparte. Comment tu t'appelles ? Belle de jour. Et après ? C'est tout. Quel âge as-tu ? 23 ans. Tu as quelqu'un qui te protège ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es libre ou quoi ? Non. Tu gagnes bien ? Ça marche pour toi ? Oui, mais je... Ne triche pas. C'est très vilain. Non, n'enlève pas tes bas. Il y a une fille qui a essayé de me carotter un jour. La peau. Avec toi, si tu veux, je ne prendrai rien. Tu veux toujours pas me dire ton nom ? En tout cas, t'es pas bavarde. Tant mieux, j'aime mieux ça. Les filles qui parlent, c'est la tasse. Pas mal. Fais voir. Tourne-toi. Qu'est-ce que c'est que cette petite tache brune, là ? De naissance. Ah, merde. J'aime pas ça. Rhabille-toi. Rhabille-toi ! Ordonna Bonaparte à Marianne avant de devenir en 1804 l'empereur Napoléon Ier, un grand tacticien peu porté sur la justesse de la terminologie institutionnelle, puisque sur ses pièces de monnaie, par exemple, on peut lire au revers « Napoléon, empereur » et à l'avers « République française ». Pourtant, si le mot « république » n'a pas tout de suite été dissous dans l'Empire, Marianne, quant à elle, fut bien vite oubliée. Pauvre fille, elle a dû se cacher durant tout le Premier Empire, puis durant toute la Restauration. Certains ont bien pensé à elle pendant les Trois Glorieuses en 1830, mais elle fut encore une fois écartée. Et ce n'est qu'en 1848, avec la chute de Louis-Philippe et de sa monarchie le Juillet, que Marianne ressurgit. Et cela au grand bonheur et au grand étonnement de ses vieux amants républicains. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié. Et non. Les républicains de 1848, bercés par le printemps des peuples, n'avaient pas oublié la belle Marianne et furent ravis de la retrouver fougueuse en février 1848. Pourtant, quelques mois plus tard, les bourgeois, eux, la trouvèrent trop rouge à leur goût et lui demandèrent de se calmer et d'aller se rhabiller. Il est des seins que l'on doit cacher. Alors, quand en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État et qu'en 1852, il proclame l'Empire, eh bien, Marianne, une fois encore, n'a plus qu'à se planquer. Et son exil dure presque 20 piges, puisque le Second Empire s'effondre en 1870. La République est instaurée le 4 septembre, une République dans un premier temps très chahutée par les monarchistes, à tel point que Marianne doute même de son succès d'antan. Pense à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Et Marianne a raison d'y croire puisqu'elle réussit enfin à s'imposer en France dans les années 1880. C'est d'ailleurs à cette époque que la figure de Marianne se diffuse partout, en buste dans les mairies, en statues sur les places de village ou encore en timbres et en piécettes. Marianne fait preuve d'ailleurs d'un sacré caractère quand elle devient la Madelon des poilus en 14-18, mais elle ne résiste pas à une autre guerre qui la renverse. Marianne s'effondre devant l'ignominie de Vichy en juin 1940. Alors, quand 4 ans plus tard, à la Libération, les républicains voient revenir leur idole, ils sont un peu surpris. Qui êtes-vous ? Je suis Marianne. Montrez-vous, vous aussi, que je revois l'enfant que je connaissais bien. Ces années vous ont épargné. Merci. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Alors, depuis sa renaissance, cette fleur qu'est Marianne n'a plus jamais disparu. Bon, c'est sûr, elle a encore connu des amants terribles. Certains étaient volages et d'autres très possessifs. Marianne a donc dû s'adapter à ses nouveaux fiancés, mais elle a toujours su conserver au fond d'elle l'esprit de sa jeunesse révolutionnaire. Monsieur le ministre Hortefeux, il fait froid, c'est l'hiver. J'ai honte de ce froid, de cet hiver que vous vous acharnez à prolonger jusqu'à la vilainie. Cela fait plus d'un an que, jour après jour, ce froid et cet hiver envahissent les villes et les campagnes de notre pays, autrefois pays d'espoir et de vie. C'est en ma qualité de citoyenne française, plus que jamais attachée à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, que j'ai le devoir de vous rappeler que vous n'avez pas, monsieur le ministre, le droit de vie ou de mort sur des hommes et des femmes ou des enfants qui travaillent, vivent, étudient ici en France, pays aujourd'hui déshonoré. Vous déshonorez, à coup de furtives lois minables, le sens de la République et de ma civilité. Je ne vous salue pas. Ah bah c'est clair, il faut pas lui marcher sur les arpions, à Marianne. Parce que la sage allégorie en buste à la mairie n'est plus du tout de marbre quand on lui titille ses principes universels. Et oui, Marianne est marquée par d'évidents symptômes de la dysthymie, autrement dit des troubles d'humeur chroniques. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Bien, professeur Collin, je me suis donc intéressé ce matin à la sublime allégorie de notre République, un gros succès populaire et, comme le dirait Séguéla, un super plan média, la poupée Marianne. Alors, professeur Collin, toujours dans notre ambitieux projet d'éducation des masses, nous allons tenter ensemble ce matin un exercice de travaux manuels fabrique toi-même avec tes petites mains ta propre Marianne pour décorer ton salon. Les socialistes pourront ensuite la placer à côté du drapeau tricolore recommandé par Ségolène Royal et puis pour les autres, ce sera un excellent entraînement pour le sapin de Noël. Bien sûr, il s'agit là d'une activité manuelle spécifique aux républiques puisque, sous les régimes monarchiques où le pouvoir est incarné par le souverain, c'est drôlement plus simple. On n'a pas besoin d'allégorie, on peut afficher la tronche de Louis XIV pour évoquer l'État. Ou alors, on peut poser sur la cheminée un buste de Napoléon pour avoir un bon appartement chaud puisque l'hiver approche. Alors, Bon appartement chaud. Oui, désolé. Alors, nous le savons tous, la figure de Marianne n'est pas figée. Elle varie selon les époques et surtout selon les orientations politiques. Et pour obtenir plus de détails, on peut bien sûr se reporter aux fiches conseils du manuel de décoration de l'historien Maurice Agulon qui a bigrement bien étudié les représentations de Marianne. Cependant, quelques règles. Tout d'abord, pour fabriquer ta poupée Marianne, il faut choisir une jolie pépée et tu pourras l'habiller à ta guise. Bon, il est tout de même recommandé de lui trouver un bonnet phrygien. Oh, sinon, le chapeau du grand Schtroumpf fera parfaitement l'affaire. Alors, pour ceux qui pensent que le bonnet phrygien, c'est trop révolutionnaire, on peut se contenter pour Marianne, comme pour le pot-au-feu, d'une couronne de laurier. Là aussi, pour la robe, on a le choix, plutôt rouge pour les gauchistes et blanc pour les autres. En un mot, la tunique, comme tu veux. Alors attention. Non, mais ça va pas, quoi. La tunique, c'est comme on veut, rouge pour les gauchistes et blanc pour les autres. Alors attention, une Marianne de gauche devra montrer au moins un sein, à l'instar d'une provocante libertaire ou d'une mère nourricière. C'est ainsi, en tout cas, que Daumier l'a représentée en 1848. En revanche, si ton cœur et ton portefeuille penchent un peu à droite, tu peux te contenter d'une Marianne pleine de rudesse. Dans ce cas, une photo de Christine Lagarde fera parfaitement l'affaire. Oh, quoique les allégories les plus rudes, c'est évidemment sur l'Arc de Triomphe qu'on les trouve. Ensuite, pour les accessoires, il y a l'embarras du choix. Une épée pour fabriquer une Marianne au combat, sinon une gerbe de blé pour une Marianne prolifique. Mais on peut choisir comme accessoire un bouclier fiscal, une Rolex, une bague de chez Chaumet, quelques charters pour une Marianne qui aime l'ordre et le bling-bling. Bien sûr, il y a des réactionnaires arriérés et quelques petits camelots du roi qui peuvent aussi transformer la figure de Marianne pour en faire la gueuse, une mégère assoiffée de sang avec sa république. Oh là, vous voyez, professeur Colin, pour Marianne, c'est une figure sublime que l'on peut rhabiller selon ses goûts. Il n'y a donc pas dans l'océan des images de Marianne, d'un côté, une vraie Marianne superficielle et de l'autre côté, une fosse profonde des Mariannes. De même, il n'y a jamais eu une Marianne hiératique qui surveillait et une capricieuse qui s'amusait. Car s'amusait, il en parlait des caprices de Marianne. Mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, à Naples, là où Alfred de Musset a placé sa Marianne, depuis qu'elle a écouté Hervé Villard, elle sait bien, Marianne, que les caprices, c'est fini. Excellent, professeur Bauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Trouble de la personnalité évident. Et puisque le ministère psychique traque la vérité, la sienne, l'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente aux nombreuses personnalités marmoréennes, parfois nées de l'accouplement d'un cheval et d'une ânesse. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Parfois toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Une fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinema, todo mundo se affogò. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro cinéma, tout le monde s'approuve. C'était Dario Moreno qui chantait Brigitte Bardot, devenue la Marianne d'une république moins révolutionnaire que réactionnaire. Violin, violin, violin, violin. trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Alors maintenant, afin de mieux saisir la psychologie profonde de notre patiente, il faut aller trifouiller l'adolescence de cette étrange Marianne. Mais avant tout, connais-tu Puy-Laurence, ce petit village du Tarn situé à l'est de Toulouse et qui compte aujourd'hui à peu près 3000 habitants? Non. Et pourtant, figure-toi que selon la légende républicaine, Marianne y serait née, tout comme Georges Frêche d'ailleurs, le sulfureux président du conseil régional de Languedoc-Roussillon. Mais bon, lui, on s'en fout. Ainsi, par l'intermédiaire d'une chanson révolutionnaire écrite en 1792, nous apprenons qu'à la fin du XVIIIe siècle, aurait vécu à Puy-Laurence, donc, une ravissante adolescente prénommée Marianne. Mutine, sublime et à l'époque blonde comme les blés, elle fascinait, paraît-il, tous les hommes de la vallée de l'Auragais, aux portes de la Montagne Noire en Midi-Pyrénées. La légende raconte qu'elle était une fille du peuple, maligne et insolente. Mais le mieux, je crois, c'est d'écouter Marianne elle-même nous raconter son enfance dans le Tarn, chez ses parents, Geneviève et Gérard. Non, ne boudons pas ce plaisir. Allons, faut pas bouder comme ça. Je vais vous la raconter une fois. J'écoute. Voilà. Faut vous dire que maman pouvait pas blairer papa. Alors papa, ça avait rendu triste. Il s'était mis à picoler. Le monde entier m'a abandonné. Je tâche d'y voir double afin de me servir à moi-même de compagnie. Je crois avoir trouvé un nom convenable pour toi. Marianne. Il te plaît? Si c'est pour vous moquer de moi, je peux vous dire que vous n'êtes que deux vieux cons. Vous savez, les qualités, on le sait, c'est difficile à dire, cette jeune fille, elle vient d'être élue. Je ne sais pas ce qu'elle est, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. À mon avis, elle est, en tous les cas, esthétiquement parlant, elle est très jolie. Quel âge avez-vous, Marianne? Voilà une jolie question. Et si je n'avais que 18 ans, que voudriez-vous que j'en pense? Vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimée, 8 ou 10 pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. C'est vrai, quand on voit toutes les Miss, là, toutes les ex-Miss, on voit qu'elles ont pris de l'assurance, qu'elles ont plus confiance en elles. On voit que ça leur a fait du bien. On les a pas abîmées. Mon cul, je vous demande pas l'heure qu'il est. 16h15. Laissez cette petite tranquille. Et puis ma foi, ça peut vous ouvrir une carrière, ça peut faire basculer votre destin. Vous pouvez rencontrer peut-être l'homme qui sera votre mari. Enfin, c'est plein de choses, de toute façon. Je pense que ça, dans la vie, il ne faut jamais laisser passer une chance. Si on peut l'avoir, il faut la prendre. Elle est moins con que je croyais. Je vous remercie, ma chère. Il n'y a pas de quoi. Tout de même, c'est gentil. Marianne, c'est un don fatal que la beauté. La sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a parfois plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Vous étiez marrants, tous les deux. Marrants à tes yeux, à d'autres yeux, pas marrants. Les pas marrants, je les emmerde. Alors, t'étais bien amusée? Comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vieilli. Oui, en 1792, Marianne avait vieilli. Enfin, disons plutôt qu'elle était encore une enfant, mais qu'à 18 ans, elle était devenue la jeune femme magnifique que l'on sait. Alors fais-moi confiance, à Puy-Laurence, là, à la sortie de la messe le dimanche matin, les mecs commençaient à la mater sérieusement, bien sûr. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que tout a basculé pour Marianne. Vois-tu, le désir qu'elle provoquait était tel qu'un odieux concours fut organisé dans son dos, à savoir qui parmi les mecs de la région serait le premier à la posséder. De son côté, Marianne avait une conscience pré-marxiste de sa classe sociale, mais elle refusait la fatalité de rester figée dans sa pauvreté. Elle voulait absolument s'en sortir et, un peu naïve, elle fut rapidement séduite par la beauté et les richesses du beau gosse de Puy-Laurence, Pierrot, fils du seigneur du château de Cap de Castel. Lascar, qui lui, comptait bien pécho Marianne et devenir ainsi le revainqueur de l'odieux concours. C'est ainsi qu'un soir de juillet 1792, Pierrot invita Marianne au château pour lui expliquer que pour s'en sortir, ce n'est pas compliqué, poupée. Suffit de vouloir, Marianne. Je veux. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi aussi, Marianne. Je mets ma main sur ton genou. Moi aussi, Marianne. Je t'embrasse partout. Moi aussi, Marianne. Ce que t'es belle, ma pépé, ce que t'es belle, ce que t'es belle. C'est ainsi que dans la nuit du 14 juillet 1792, Pierrot, le fils du seigneur de Puylaurens, fut le premier à profiter des charmes de Marianne. Au matin, Marianne pensait que Pierrot l'épouserait, qu'elle deviendrait la châtelaine et qu'elle offrirait enfin à ses pauvres parents tout ce qu'ils n'ont jamais pu avoir. Seulement voilà, cruelle injustice sociale, Pierrot, lui, avait eu ce qu'il voulait, se taper la bombasse blondasse de la populace. Alors bien sûr, après le petit déjeuner, Pierrot a remis les pendules à l'heure avec Marianne. Tu es blonde, tu es belle, tu sais faire la vaisselle. Tu es blonde, tu es belle, tu sens pas des aisselles. Tu es blonde, tu es douce, tu suces toujours ton pouce. Tu es blonde, tu es fière, tu sais servir la bière. Pour Marianne, le choc fut terrible. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Elle venait réellement de se faire déniaiser. Au final, elle s'était offerte à ce branleur plein de thunes uniquement pour qu'il puisse aller pavaner devant ses potes aristos et fanfaronner sa victoire dans toute la région. Effondrée, Marianne venait de comprendre qu'il n'y a rien de pire lorsqu'on vient du peuple que de trahir son milieu social. La honte allait s'abattre sur elle, car ni Pierre Bourdieu ni Simone de Beauvoir n'étaient encore là pour la venger. Cependant, Marianne trouva du réconfort chez sa grand-mère maternelle à qui elle confia son secret honteux, une grand-mère qui lui répondit ceci. « Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. » Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. » Forte de ce conseil sur l'intégrité et la dignité, dont Marianne fera d'ailleurs sa règle de vie, elle décida ensuite de quitter Puylaurens pour échapper aux avanies. Cela dit, elle avait maintenant tout compris des enjeux de la lutte sociale et avant de quitter son bled, Marianne décida d'aller une dernière fois rendre visite à ce petit con de nanti et balancer à ce Pierrot qu'elle le méprisait désormais. Oui, voilà comment Marianne, après une violente humiliation sociale, s'est vengée et surtout s'est construite une conscience politique en faveur de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais avant de devenir l'allégorie que l'on sait, découvrons dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelles furent les étapes suivantes dans la vie de Marianne après son départ de Puylaurens. Et notamment, découvrons par quels moyens elle est parvenue à quitter son bled pour monter à Paris. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur la construction du psychisme de notre patiente après avoir quitté sa province. L'interne, pointez-vous au labo! Allez hop, démonstration! That's the radio. Now wait a minute, do you realize what you're saying? Puylaurens, 1792. Guillaume Lavabre est cordonnier. À ses heures perdues, il s'amuse à dédicacer de petites ritournelles aux jeunes filles du village. Mais il semblerait que sa préférence à lui se porterait sur une certaine Marianne, fille du peuple assez caractérielle. Et pour elle, il est prêt à tout pour la révéler au public. J'espérais faire de vous un mannequin. Oh, comment pourrais-je faire ce métier ? Je ne me fais pas la moindre illusion, je sais que j'ai une drôle de frimousse. Peut-être une drôle de frimousse, mais intéressante. Vous avez tout ce qu'il faut. Et je vous emmène à Paris parce que j'en suis persuadé. À Paris? Vous croyez que ça pourrait se faire? Dans ce métier, tout peut se faire. Et en bonne provinciale fraîchement débarquée à Paris, Marianne est loin d'avoir un look hyper tendance. Ainsi, avant même de commencer sa carrière dans le mannequinat, l'étape du relooking est obligatoire. Mesdemoiselles, les sourcils remontés, de la poudre claire, du rouge, et faites-lui une bouche merveilleuse. Les cheveux sont affreux, il faut les lui couper. Est-ce que vous pourriez me mettre au courant de ce qui se passe? Commencez, mesdemoiselles, mais d'abord enlevez-lui cette espèce de sac. Et le bonnet phrygien par la même occasion. Il y a quand même plus glam. En tout cas, Marianne, qui faisait un peu sa prude au début, finit par se sentir plus qu'à l'aise avec son nouveau look. Est-ce que vous voulez me voir en punk? Est-ce que vous voulez vraiment me voir en punk? Alors vous l'aurez voulu. Obsédée par sa nouvelle plastique, Marianne semble avoir oublié les valeurs républicaines qu'elle était censée incarner. Mais attention, tout cet univers de l'esthétique n'est pas si loin du monde politique. Déjeuner à la table des plastiques, ça revenait à quitter la vie normale pour entrer dans le monde des filles. Et c'était un monde extrêmement réglementé. Tu ne peux pas mettre un haut sans manche 2 jours d'affilée. Et pour les cheveux, t'as le droit de les attacher qu'une seule fois par semaine. Et si tu ne suis pas le règlement comme il faut, tu ne peux pas déjeuner avec nous. Et avant d'inviter quelqu'un à la table, on passe par le vote démocratique. Il faut toujours prendre en compte l'avis de tout le groupe. Une fois cette intégration faite, Marianne poursuit sa carrière dans le mannequinat et fait la connaissance de Mara, qui vient de créer un journal dans l'air du temps, l'ami du peuple. C'est quoi comme affaire, au juste? J'ai un bulletin. Ouais, je voyais un truc dans les 8-10 pages par numéro. Sur du beau papier, comme ça? Oui, glacé. Glacé, oui, c'est ça. Le genre Playboy, quoi. Ceci dit, les pamphlets périodiques, c'est pas ce qu'il y a de plus abordable. Alors du coup, Marianne se propose de poser pour des illustrations qui rendraient le journal un peu plus attractif. Voyons un peu avec cette fleur dans la main gauche. Dis donc, où tu veux en venir là? On n'est pas fleuriste nous ici, hein. Ce qu'on vend c'est elle alors. D'accord, allons-y. On va régler cette histoire de jambes là. Attends, essaye d'ouvrir un peu plus les jambes. Oh, non, quand même pas autant que ça. Quoi? Non, attends. Ah, remets-toi comme tu étais tout à l'heure là. Tu ouvres là. Tu vois, ça c'est parfait, tu restes comme ça. Et Marianne sera une des premières à comprendre et à assumer le fait qu'en politique, même au XVIIIe siècle, l'image c'est encore ce qu'il y a de mieux pour transmettre tout point de vue idéologique. Écoutez-moi tous. Le règne de la terreur chrétienne, c'est fini. En vérité, je vous le dis, porno est ressuscité. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne authentiquement déjanté du ministère psychique pour son point de vue éclairé sur les choix personnels qui ont conduit notre Marianne à devenir une icône nationale. Et c'est vrai qu'avec l'image de Marianne, nous sommes passés d'un ancien régime bien moisi à une ère nouvelle plus excitante. T'as rien sous ta robe? T'as pas mis ton jupon? Non, j'ai mon nouveau scandale qui se voit pas. Sous mon nouveau pantalon, scandale, ligne jeune. Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant, on entre dans la civilisation du cul. Merveilleuse clairvoyance chez notre génial Jean-Luc Godard, lorsqu'il fait dire ici à Belmondo qu'après la civilisation athénienne et celle de la Renaissance, nous sommes entrés dans la civilisation du cul. Enfin bon, après avoir essayé de mieux comprendre comment le psychisme de Marianne s'est construit tout au long de sa jeunesse, passons dès maintenant à l'étude pseudo-psychanalytique de la propagation contemporaine des syndromes de notre allégorie nationale. Car tu l'imagines volontiers, mon ami, devant un tel monument républicain, comment ne pas chercher à savoir où se planquent les dérivés psychotiques hérité de notre formidable patiente mythique? Eh bien, pour commencer, comme d'habitude, bien entendu, nous avons donc soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques, du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les influences de la psyché de Marianne dans nos actualités quotidiennes. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses de cette irréelle Marianne résonnent plus que jamais dans notre monde du présent. L'expert jungien, pointez-vous là-bas ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. La psychanalyse, oh, je commence à en avoir assez. Oh, si vous croyez obtenir un résultat en faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Dès les premiers jours de son histoire, Marianne s'est imposée comme le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Elle est la République triomphante. Que craignent les ennemis de la liberté. Je l'imaginais brune, avec les cheveux taillés à la garçonne. Coiffée du bonnet phrygien que portaient dans la Rome antique les esclaves affranchis. Je connais la chanson, c'est mon inconscient qui se révolte. À la tribune, Arlette Laguiller partage la vedette avec les jeunes dirigeants du parti. C'est cela, votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est la mainmise du patronat, de la bourgeoisie, des banques, des compagnies industrielles sur l'économie, qui est la cause des maux principaux dont souffre la majorité de la population. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. La Marianne, c'est le symbole des collectivités locales, c'est le symbole d'une mairie. C'est notre République, cette belle République que nous aimons, et cette Marianne qui sert à toutes nos manifestations. Votre comportement est intéressant. Nous voyons toujours ce portrait que un élu ne peut pas oublier. Je proclame le scrutin ouvert. Une demi-heure plus tard, Bertrand Delanoë, 98 voix, je le proclame maire de Paris. Comment, vous, monsieur le maire, imaginez-vous Marianne ? Séquence émotion. Ce geste, il veut dire, dans une langue que nous aimons, mon frère, et il veut dire qu'il y a beaucoup à vivre ensemble. Je préfère la Marianne coiffée du bonnet phrygien. Dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit. Elle est blonde, assez grande, de taille élancée. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine. Marianne, c'est français et elle est blanche, hein, et elle doit rester blanche. Alors vos troubles cesseront tout seuls. Je suis adossé à un mur aux trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Puis au centre, cette Marianne qui, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre. Marianne, c'est d'abord l'incarnation de l'amour, du monde et de la République. Alors pourquoi pas une Marianne africaine ? Voilà ce qu'on pouvait dire. On va terminer par ces trois mots. Yes, we can. Tout est donc possible aux États-Unis. Mais en France aussi, tout est possible, bon sang. Puisque contre l'humeur de certains réactionnaires, une Marianne Black, ça existe déjà, notamment dans la salle des mariages de la mairie de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Une Marianne noire en bronze, sensuelle et chaleureuse. Cela dit, attention, car la Marianne d'aujourd'hui peut également entretenir son austérité et sa rigueur. Et c'est sans doute ce qu'ont dû se dire d'ailleurs cette semaine Monsieur de Villepin et son avocat, que Marianne, comme tu le sais, a fini par convoquer devant un de ses tribunaux correctionnels. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous voulez mettre un terme à la carrière de mon client ? Non, mais je vous conseille de me parler sur un autre ton, d'accord ? Deux gouvernements successifs m'ont accordé leur confiance. Il semble que vous en ayez abusé. Ah oui ? Comment ça ? Vous le savez aussi bien que moi, non ? Pourquoi vous acharnez-vous après moi ? Pour faire un exemple. Une bonne fois pour toutes. Pour vous, c'est pas si terrible. Et puis ça fera du bien à la France. Oh là ! Eh ben, avec cette Marianne-là, ça risque de dérouiller sévère pour Monsieur de Villepin. Encore que, on pourrait bien se demander si celle-ci ne s'appelle pas Marianne Sarkozy, non ? Enfin, nous verrons bien. Mais n'oublions surtout pas que Marianne est avant tout l'incarnation locale de la République. Elle est aujourd'hui présente dans toutes les mairies de France, elle représente l'attachement des citoyens de la commune au régime républicain. Et d'ailleurs, n'hésite jamais à faire appel à ses services, car sache que Marianne est toujours prête à rendre service à ses administrés. Il suffit juste d'appeler la mairie. Bonjour. Allô, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, excusez-moi, je suis la grand-mère de mon petit-fils. Oui. Et je suis en train de lui donner à manger, là, mais c'est pas facile, hein. Vous savez, moi, je lui fais peur. Enfin, je lui dis, s'il mange pas, c'est monsieur le maire qui va le faire manger. Et on sait pas pourquoi avec mon fils, mais ça, ça lui fait peur et d'un seul coup, il mange. Ah, bah ça va, alors. Oh, oui. Quand on trouve un moyen, c'est bien. Oui, mais alors là, aujourd'hui, hein, depuis midi, j'essaie de le faire manger sa purée de carottes, y a rien à faire. Ah, oui. Il fait un caprice. Oh, il fait un caprice, oui, alors là... C'est pas facile, hein? Ah non. Hein, vous travaillez à la mairie, vous? Oui. Ah ben justement, tiens, attendez, je vais brancher l'amplificateur, vous allez pouvoir m'aider. Hein? Écoute, la dame. Il faut manger, hein? Sinon, oui. C'est monsieur le maire qui va venir. Voilà, puis qu'est-ce... Oh. Monsieur le maire avec ses doigts tout jaunes. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il va lui montrer, monsieur le maire, s'il mange pas, le petit Pierre? Oh, il va lui montrer son gros nez poilu. Écoute, Pierre. Ah oui, Pierre, il faut manger, hein? Sinon, monsieur le maire, il va venir te donner à manger, hein? Puis il va te montrer son gros nez tout poilu si tu manges pas. Ah, il faut manger, hein? Il va venir te montrer ses dents, hein, madame? Ah oui, c'est vrai, hein? Puis comment elles sont, ses dents? Oh, elles sont pas belles, elles sont toutes jaunes. Son haleine, hein? Quand il ouvre la bouche, monsieur le maire. Oh, lolo, ça sent pas bon, puis on a peur. Il va te montrer sa femme, monsieur le maire. Et comment elle est, hein, madame? Ah, oh, c'est une sorcière. C'est une sorcière, oui. Elle est pas belle. Oh non, mon Dieu. Elle est moche comment? Oh là, elle a un gros nez, puis elle a un gros bouton dessus. Hein, voilà, Pierre, t'as entendu? C'est qui? Alors là, il commence à manger, hein? Oui. Et puis, attention, parce que monsieur le maire, hein, si t'es pas gentil, Pierre, et si tu manges pas, il va te montrer sa queue, hein, ah, madame? Oui. Ah oui, oh là là. C'est une... Elle est énorme, hein, madame? Ah oui? Elle est comment, sa queue? Elle est grande et puis il y a plein de piquants dessus. Eh oui, parfois, Marianne ne peut pas blairer son maire et elle n'hésite pas à lui maraver la face pour le compte des administrés. Indomptable Marianne. Et puis, toujours dans le registre de la représentation locale et quotidienne de la République, par le prisme de la beauté phrygienne, eh bien... Tu n'ignores point que tu peux également croiser Marianne presque tous les jours. La Poste sort un nouveau timbre aujourd'hui, elle en sort beaucoup, mais celui-là, c'est le timbre de référence, celui qui remplacera la Marianne rouge que l'on connaît. La Poste a gardé le plus grand secret. Frédéric Barrère, vous avez eu le privilège de le découvrir il y a à peu près une heure, c'est ça? Il est comment ce nouveau timbre de 3 francs? Ben, il est très joli, Gérard, avec Marianne d'abord, elle a les cheveux longs. Elle est blonde et elle a les cheveux qui volent au vent et elle est de profil. Elle regarde vers la droite, elle regarde vers l'avenir, explique le ministre François Fillon. Ensuite, c'est un timbre au graphisme plutôt moderne qui, selon le ministre, donne l'idée d'une France jeune, d'une France en mouvement. Reste le prix. Alors là, c'est un petit peu plus confus. François Millon, le ministre des Postes, tente de nous éclairer. Et donc ce timbre sera vendu à 2 francs 70. À 2 francs 80, non, j'y arriverai jamais. J'en ai combien? 2,70, 3 et 3,80. Très bien, merci de me l'apprendre, de me le dire. 2,70, 3 et 3,80. Oui, tout est d'origine. Arrête de mater. Oui, même sur les timbres, Marianne reste authentique. Certes, ses tarifs changent, mais si tu la mates de travers et qu'en gros tu la méprises, elle demeure intraitable. Au passage, figure-toi qu'en matière postale, justement, au sein de nos propres murs, au ministère psychique, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané 2 fois, que nous appelons ici long corps chétif, et qui doit beaucoup à Marianne, tu vas voir, t'offre ce petit présent. Ainsi, découvrons enfin d'où lui vient son talent pour la chanson. C'est réellement du grand n'importe quoi, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, Marianne, je t'aime bien. Grâce à toi, je chante bien. Rappelle-toi, un jour je t'ai vu avec ton bonnet frigide. Alors je t'ai léché au verso et paf, un coup de poing sur ta face et je t'ai scotché sur une enveloppe. Yeah, bienvenue au club des timbrés. Mais t'étais la tête en bas, t'étais toute rouge. Alors j'ai gratté, j'ai fait un flop, j'ai niqué l'enveloppe, yeah. Et toi tu collais plus, alors j'ai mis de la super glue. Oh là là, tu me tenais au doigt comme une cloque. On aurait dit le sparadrap du capitaine Haddock, yeah. Alors je t'ai plaqué sur mon front, dans les couloirs quand je chante mon rap à fond. Les gens sont sur le cul, très émus, et disent « Quel joli timbre !» Yeah, ouais. Grâce à toi, je chante bien maintenant. Merci, Marianne. Tu vois, je suis pas si con. The most tender place in my heart is for strangers. I know it's uncanny, but my own blood is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time. Compared to some I've been around, but I really tried so hard. That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. In the end I was the mean girl, or somebody's in between girl. That is the devil I love, and that's as funny as real love. I leave the party at 3 a.m. alone, thank God, with a Valium from the brow. It's the devil I love, and that's as funny as real love. And that's as real as true love. That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. C'est Marianne Faithfull qui tient bon, même si parfois, comme on te l'a déjà dit, elle en a plein le cul. Enfin, elle a les fesses full, quoi. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations dans les méandres psychologiques de l'esprit tortueux de la sublime Marianne. Tour à tour rebelle et révolutionnaire, puis sage et de marbre. Ainsi, durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point Marianne est influençable et combien elle doit se méfier des beaux parleurs qui veulent l'utiliser. Parce que Marianne, sous ses airs sereins, elle est fragile et que... Que ça s'est vu dans le passé. Que ça s'est vu dans le passé. Marianne, sois renversée. Marianne, sois renversée. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Ainsi, le professeur Georges Brassens nous rappelle ici la fragilité de Marianne et la solidité des cons. Et c'est une raison majeure dans notre décision de laisser partir Marianne pour aller renforcer son esprit frondeur. Allez hop, Marianne! Et ne vous laissez pas berner par les gogos. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 12e consultation du ministère psychique consacrée ce matin à notre allégorie nationale qu'est Marianne. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Arnaud Caillé. Merci beaucoup, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet, Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayer pour ses idées complémentaires et enfin Julien Dugast et Cyril Baer pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA.